On va à la piscine demain? Ok, rendez-vous à 13h30. 2. On déjeune ensemble cette semaine? D'accord, mercredi à 12h30. 3. Tu peux m'aider avec mes exercices? Si tu veux, je viens chez toi cet après-midi à 15h. 4. On va au cinéma ce week-end? Bonne idée, samedi à 20h. 5. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Cohen. Venez vendredi à 18h15. 6. À quelle heure est-ce que je dois aller chercher Timothée ce soir? À 20h30.